cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير بعض أسماء الله عز وجل ومنها الجميل فما الدليل على هذا الاسم؟ تفضل. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الحديث كما قال في الحاشية في صحيح مسلم. وما معنى هذا الاسم عند من؟ تفضل. قال هذا الاسم أن الجميل والذي له معات الحسنى والإحسان فهو جميل في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته. نعم، الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أي أن صفاته عز وجل كاملة وأفعاله مبنية على الحكمة والعلم. يتسكن في أنصام ولله الحمد. التعبد بهذا الاسم يكون بماذا؟ تفضل. جد. من عرف الله باسم الجميل فيعبد الله بأقوالي وأفعالي وأخلاقي جميل. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. دونك من أسمائه الجميل ومن صفاته الجمال عز وجل ويحب الجمال. فإذا فهمت هذه المعاني العظيمة فأنت تتجمل بأقوالك، أي لا تقول إلا الجميل ولا تفعل إلا الجميل. تي أقوال، تي بارول، تي زاك، تاك خويانس، كذلك عقيدة جميلة طيبة. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا كله أو كله. تذكرون أن أنا بغابلي أن البعض إذن حرص كبير على الجمال الظاهري، وهذا كذلك ضبط نجليجي، لأن الله جميل يحب الجمال في اللباس وفي الهيئة. الله يحب هذا، لكن البعض يفون des efforts que في هذا الجمال que l'apparence et ils ont oublié الجمال الأعظم والأنفع، جمال أو جمال المعتقد وجمال الأقوال وجمال الأفعال. الله سبحانه وتعالى يحب الجمال. ne pas comprendre ان الله سبحانه وتعالى il aime la beauté que l'apparence. لان نحن هنا cette conception générale de la beauté c'est que l'apparence, que les vêtements. là ça va beaucoup plus loin. فلهذا ابن القيم رحمه الله الى détaillé هذا et on l'a vu ensemble. قال رحمه الله الجواد، قال في الحاشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجواد. فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وجواد يحب الجواد. قال الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وبعض العلماء يضعفون هذا الحديث. شيخ الألباني رحمه الله صححه وكذلك حسنه دون تدخليه بمجموع طرق الحديث. ce hadith il a été rapporté par Abu Nu'aym, par l'imam al-Bayhaqi wa qablahum par l'imam al-Tirmidhi et d'autres. wa al-Asanid kulluha fiha kalam. toutes les chaînes de transmission il y a un défaut. ilalun إما انقطاع إما ضعف. لكن بعض الأئمة ومنهم الشيخ الألباني ils ont renforcé toutes ces chaînes de transmission les unes avec les autres et ils ont accepté الحديث. فلهذا العلماء اختلفوا في إثبات هذا الاسم. فceux qui ont renforcé le hadith et ils l'ont accepté فأثبتوا، ils ont dit نعم أن من أسماء الله عز وجل الجواد. et ceux qui ont rejeté toute cette chaîne de transmission, les annahum, leur avis c'était que toutes ces chaînes de transmission ne pouvaient pas se renforcer les unes avec les autres. فقالوا أن هذا الاسم لم يثبت أي لم لا نعلم دليلا على على ثبوته. فإذا أطبق العقل أن أسماء الله عز وجل توقيفية توقيفية ولا بد من دليل. نعم. On peut citer quelques exemples من تحقيق الشيخ كمال رحمة الله عليه de القواعد المثلى. الشيخ ابن عثيمين il a cité الجواد. Donc ça montre que Cheikh Mu'athaymin rahmatullah alayhi kadhalik yaqul anna al-jawad min asma'illahi azza wa jal. Wa qala al-muhaqqiq al-hadith rawah al-Tirmidhi wa fi sanadihi Khalid ibn Ilyas matruk al-hadith. La chaîne de transmission عند al-Tirmidhi elle n'est pas acceptable via matruk. Et dans une chaîne de transmission quand tu as un rapporteur qui est matruk al-hadith, فحديثه لا لا يصلح. Il est rejeté. Tu peux pas renforcer avec cette chaîne de transmission un autre hadith. والإمام أحمد رحمة الله عليه وهكذا أبو حاتم والبخاري عليهم رحمة الله جميعا قالوا أن خالد هذا اللي متروك الحديث. Donc cette chaîne de transmission elle est pas valable, elle est pas acceptée. قال وأخرجه ابن حبان في المجروحين وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأما عند الدولاب في الكنى ففيه هارون ابن محمد قال ضعيف جدا. هذا الراوي هارون ابن محمد سكنيس أبو الطيب وابن معين رحمة الله عليه الإمام قال كان كذابا c'est un menteur. Donc, deux chaînes de transmission, pour l'instant, le dha'f, il est chadid. Il y a une règle, fil mustalah, qui montre anna al-hadith, s'il est yassir ou dha'f, il est yassir, l'ulama, il l'accepte avec d'autres hadiths qui le renforcent. Amma, pour l'instant, avec ces deux chaînes de transmission, fala, lianna al-dha'f, il est chadid. Imma matruk, imma كذاب أو إلى تكذاب لا شك أن صن حديث أو لغ حديث هؤلاء لغجوت على كل حال. ثم قال وما رواه ابن عساكر والضياء يريد بحثا في سنده. Il y a beaucoup de chaînes de transmission de ce hadith. Il a cité هنا رحمة الله عليه أن ابن عساكر والضياء المقدسي ont rapporté هذا الحديث et هو il a pas pu rechercher الإسناد أي l'étudier. هذا ça demande une étude. قال وما عند الخرائط هو مرسل وفيه عنعنة وتدليس ابن الحجاج ابن أرطة ورفعه وهم. دونك هذا كذلك فيه ضعف المرفوع إلى ثابت. قال فيها نوح ابن أبي مريم الكذاب notre menteur. نعم هذا الإسناد الدنيا إسناد البيهقي كذلك. على كل حال ça demande des recherches plus approfondies. Et وَعْضُ الْأَئِمَّ بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّ أَثْبَتُوا هَذَا الْإِسْمِ مِنْهُمْ. On a cité, bien sûr, Cheikh Sa'di, رحمة الله عليه, في هذا الكتاب. Cheikh ibn Uthaymeen, رحمة الله عليه, في القاعدة المثلى. وهكذا ابن القيم, رحمه الله, في النونية. Et Cheikh Khalil Harras, كذلك. الإمام ابن تيمية, رحمه الله, أثبته. قال on lit sa parole. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجواد. Vous avez remarqué qu'ils se sont basés tous sur ce hadith. فمن أثبته قال بثبوت الاسم ومن ضعفه فلم يثبت الاسم. قال شيخ الإسلام وقال أهل العلم الجواد في كلام العرب معناه الكثير العطاء. بيان هذا الكلام من بيان تلبيس الجهمية. فعلى كل حال الاسم كثير من العلماء أثبتوه. Le hadith ça demande une étude plus approfondie. وإلا فأئمة أثبتوه ومنهم الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى أكسبت الحديث. فcelui qui accepte أو qui يقول أن هذا الاسم الثابت فله ذلك. أما المعنى فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقدمت معنى بعض الأسماء فالحقيقة le ma'na il sera très très proche de l'jawad. C'est pour ça que On n'a aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifat al-jud. Al-jud est traduit par la générosité. Al-jawad, c'est celui qui est généreux, qui donne beaucoup, comme a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wa taqaddamat ma'na ba'd al-asma. Fi hadha al-ma'na, inda man, qui c'est qui peut nous citer ba'd al-asma? Ahsan, al-karim, al-akram. كذلك الرحيم سيأتي إن شاء الله معنا إذا تخنون قنا بأنصام لأنه تخنون المعطي أحسنت المعطي سسلوي كدن إيدن بكثرة هذا دغنينو ها الرزاق نعم البر والوهاب البر والوهاب فلهذا الشيخ سعدي في فتح الرحيم العلام أو الملك العلام تذكرون قنا بلو الكلام quand on avait cité اسم الكريم والوهاب والبر et il avait cité كذلك هذا الاسم الجواد فعلى كل حال نقرأ هذه المعاني فعظيمة الثابتة ou bien différencier entre le معاني الصفة et الاسم الاسم أحيانا لا يثبت يبقى الدليل لكن الصفة ثابتة فلا شك أن الله سبحانه وتعالى جواد أي له صفة الجود قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه الجواد يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات بجوده avec ضم الجيم ثم الواو ثم كسر الدال قال جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة وخص بوجوده السائلين بلسان المقام ولسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر فالله سبحانه وتعالى سالجواد أي celui qui donne et il donne à qui il veut سبحانه وتعالى الجواد المطلق toutes les نعم tout ce que tu vois من خير في هذا الكون c'est من جود الله سبحانه وتعالى c'est من عطاء الله سبحانه وتعالى قال فمن سأل الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب فإنه البر الرحيم البر والرحيم والجواد والوهاب والمعطي والرحيم تسن فمتقاربة المعنى قال فإنه البر الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم فقوله وما بكم من نعمة فمن الله سنمتخ أن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يدن عكيف يدن سنكوتي يدن بكثرة سبحانه وتعالى قال ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالنعم الدنيوية de ce bas monde que ce soit النعم liée à dunya ou au din كالهدى والعلم ou tout ce qui est lié au risque la nourriture etc tout ça c'est من الله et كذلك في الآخرة في الآخرة نعيم الجنة فلا شك أنه c'est من جزاء الله سبحانه وتعالى فهذا ça montre أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم et récompensera أولياؤه سبحانه وتعالى في دار النعيم أي في الجنة مما لا عين رأت ce que aucun œil n'a vu ولا أذن سمعت ce que aucune oreille n'a entendu ولا خطر على قلب بشر ce qu'aucun cœur ne peut imaginer هذا سمتخن الله سبحانه وتعالى جواد قال والجواد الذي عم بجوده أهل السماء والأرض فما بالعباد من نعمة فمنه وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون نعم فإليه يجأرون في الآية إلا إكسبليكي هنا رحمة الله عليه فإليه يرجعون قال وبه يتضرعون فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين ما من مخلوق et il profite de هذا الجود et de هذه النعم des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ثم العباد ils sont divisés en deux catégories منهم من يشكر ومنهم من يكفر Al-Mu'minun, qui reconnaissent Ni'amullah subhanahu wa ta'ala, et Al-Kafirun, alladhina jahadu. Qala, walakin yatafawwat al-ibad fi ifadati al-jud alayhim bihasab ma manallahu bihi alayhim min al-asbab al-muqtadiya li judih wa karamih. Et ça c'est ماذا تستفيده أنت. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala jawadun. Et بعض العلماء يثبتون الاسم أنه سل جواد. Et tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il donne sans compter. Lahu al-mulk subhanah. Et tu sais كذلك أن هذه النعم c'est pour chaque être humain. Tout le monde en profite. Et les croyants ils en profiteront أكثر dans l'au-delà. Au paradis, في الجنة. ثم اعلم أن هذا الجود الناس يتفاوتون فيه par rapport aux asbab, aux causes. Et on rappelle, nous, on a l'essentiel هنا, c'est الجود والنعم de l'akhirah, de l'au-delà. C'est ça l'essentiel. Et l'asbab, les causes que tu vas faire, ta priorité, ça doit être l'akhirah. لماذا لأن l'akhirah. Le Cheikh Saadi, rahimahullah, il a cité une partie du hadith, فيها الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et هذه النعم, on les a détaillées, والله الحمد, dans notre cours sur الجنة, dans les étapes de l'au-delà. Et هذا النعم لا ينقطع. Ça s'arrêtera jamais. Et هذا النعم, il est parfait. أما الدنيا, فمهما حصل الإنسان من min amwal ou autre, comme bien, comme argent. Hadi l'omour satan qati'a. Et ça peut être une fitna. Ça peut être une fitna pour celui qui n'utilise pas ces choses vie. Ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre, anna. Faut qu'on fasse attention vie. Hadi l'bab, bab, al-asbab. Al-asbab, fil haqiqat, c'est ta vie. C'est les efforts que tu feras. C'est la durée de ta vie. C'est ça l'asbab. Ba'd an-nas, hadi al-asbab, yuwaffaqoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite, ils font beaucoup d'efforts, et fil haqiqa, ils préparent l'akhirah sans négliger ad-dunya. Et al-ba'd, ils font كذلك des asbab, tout le monde recherche hadhihi an-ni'am, lakin ils ont oublié l'essentiel al-akhirah. Leur vie, ils l'ont passé, iyadan billah, à rechercher le bonheur fi ad-dunya faqat, wal-ajila. Ils oublient l'akhirah. Ha'oula, mahma hasalu min amwal wa min raha, ça s'arrêtera. Et si ce n'est pas des mu'minoun, iyadan billah, ils ne croient pas ila akhirah, c'est un azab pour eux. C'est un azab fi dunya wa fi l'akhirah. Qala al-shaykh rahimahullah, wa a'zamuha takammul ubudiyatillah, ou takammul ubudiyatullahi al-zahira wal-batina. Naam, les virgules, elles sont mal placées. Al-zahira wal-batina. Thumma une virgule. Al-ilmiya wal-amaliya. وما إن فيرجول القولية والفعلية والمالية هكذا حتى تلي شاك مو avec avec ce qui va avec. قال الظاهرة والباطنة العلمية والعملية القولية والفعلية والمالية وتحقيقها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالحركات والسكنات. كلام جميل أعظم السبب la cause la plus importante pour bénéficier des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit fi dunya ou fi l'akhirah, que ce soit les choses qui sont liées au din, comme l'ilm, la guidée, l'istiqama, etc., ou ce qui est lié directement à dunya, comme la nourriture et l'akhirah, al-sabab al-ra'isi wal-a'azam, c'est, comme qala, takammul, ubudiyatullahi subhanahu wa ta'ala, al-zahira wal-batina. Faire des efforts fi l'ibadah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et taqaddam ma'ana katiran an ar-rizq li 'ala naw'ayn. Rizq qui est lié à dunya, la nourriture, etc. Et rizq qui est lié au din, la foi, l'iman, la guidée, al-ilm, etc. Celui qui craint Allah, et taqwa c'est l'ibadah. Al-ubudiyya c'est taqwa. Celui qui craint Allah azza wa jal wa ya'bud Allah subhanahu wa ta'ala ظاهرا وباطنا بقلبه وبلسانه وبجوارحه فهذا إلى accompli la cause la plus grande pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala الكريم الجواد البر il lui donne. قال وتحقيقها أي هذه العبادة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ سعدي هنا رحمة الله عليه أشار إلى في نغمخك إلى بخصيزي أن العبادة احضر سبكم توا تشوفو فاستقم كما أمرت سبكم توا تشوفو. لأن البعض quand ils entendent هذا نعم ils font des choses pour qu'Allah soit satisfait d'eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne. بعضهم يفون دي أذكار غير مشروعة, بعضهم يفون دي الصلاة غير مشروعة, بعضهم يفون دي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. Ils inventent des choses. فهؤلاء في الحقيقة ils ont pas suivi le bon chemin. Et هؤلاء ils sont على خطر, خاصة s'ils savent, خاصة s'ils sont conseillés. فالشيخ سعدي رحمة الله عليه هنا تنبيه كأنه يتدي attention هذه العبادة. Bien sûr, c'est une عبادة, c'est que c'est pour Allah عز وجل. لأن العبادة c'est لله فقط. Ça c'est le premier شرط, la sincérité. ثم il a cité la deuxième condition, وتحقيقها, pour qu'elle soit valable. هذه العبادة est en profit في الدنيا والآخرة, اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Ça nous montre أن l'essentiel c'est pas le كثرة. بعض الناس quand ils entendent parler de cause et de عبادة, ils pensent que c'est absolument, ça doit être beaucoup. Et le بعض, ils font beaucoup, لكن des choses inventées. Le بعض, ils suivent leur passion pour l'عبادة. Des choses simples, ils les répètent, ils les font, et il n'y a aucun dalil, ce n'est pas accepté عند الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ليطاع. وإلا chacun va faire ce qu'il veut, et عياذا بالله, les innovations elles vont remplacer les ibadat, et la umma se divise, et c'est ce qui se passe à notre époque, et dans d'autres époques, ça s'est passé هكذا. قال بالحركات والسكنات. نعم. Ça nous montre qu'on a des choses que tu dois les faire, des choses que tu ne dois pas les faire. Certaines choses, c'est une sunna de délaisser. Certaines choses, c'est de les faire. Amma l'insan, il n'a pas hada dhabit al-azim. Ça, fait le haqiqa, c'est un mode de vie. Ce qu'on appelle al-manhaj. C'est hada. C'est suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi harakati wa sakanati. Tout ce qui est lié au din. Ce qu'il a fait, fait. Ce qu'il a délaissé, délaisse. Bi qadri ma tastati'a. Tu fais. Et tu délaisses. البدع والخرافات les inventions إلى آخره. فهذا كلام جميل. تستفيد من هذا أنت وتقدم معنا في فيما يتعلق باسم الكريم والوهاب etc. أن الله عز وجل يحب الجود على صحة الحديث. لا شك أن الله يحب الجود ممسي الحديث لبقى صحيح. الله سبحانه وتعالى إلا celui qui donne, celui qui يرحم العباد إلى آخره. فتستفيد من هذا أن تحذر من البخل. On fait attention à هذه الصفة الذميمة, l'avarice. لا دن, et Allah سبحانه وتعالى il te donnera. الله في والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دن à ton frère musulman بقدر الاستطاعة. N'oublie pas les autres si Allah عز وجل t'a donné. Et ta niya c'est de faire du khair. Ta niya c'est pas qu'on parle de toi ou فقط que fulani soit satisfait de toi. Là, l'essentiel c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala, et en donnant fa Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-jud. La shak an ceux qui donnent fi sabilillah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala il les aime, il les lève en degré et il leur rajoute. Et on a déjà cité beaucoup de preuves fi hadha al-bab dans plusieurs durus et dans ce qu'on avait étudier ensemble fi ism al-karim etc. فهذا ما يتعلق بهذا الاسم. Vous avez remarqué que beaucoup d'asma ils sont liés. فسي tu relis ما يتعلق بالكريم وبالأكرم وبالوهاب etc. فتو auras des معاني proches. Et تستفيد أنت en relisant, فتستفيد que ce nom il ressemble à l'autre, et tu auras des معاني qui sont liés, et bien sûr ça va impliquer des choses qui sont liées. هنا مثلا le fait de donner, de dépenser fi sabilillah azza wa jal. Qala rahimahullah al-hasib qala fi al-hashiya wa dalilu wa hadha al-ism qala Allah azza wa jal wa kafa billahi hasiba. Qala al-allama al-shaykh sa'di rahimahullah al-hasib huwa al-alim bi'ibadihi kafi al-mutawakkilin al-mujazi li'ibadihi bil-khayri wal-shar بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. هذا الاسم Al-Hasib, il renferme plusieurs ma'ani. Min ma'ani, annahu azza wa jal alimun. Donc Al-Hasib, huna, ça sera bien ma'ana Al-Alim. Et celui qui sait tout. Kadhalik, bima'ana ism Al-Kafi. Celui qui te suffit. Al-Kafi. Et هذا الاسم ان شاء الله on le verra à la fin de la risala harf al kaf c'est à la fin et Cheikh Saadi rahmatullah alayh il l'a cité. كذلك من معاني هذا الاسم المجازي لعباده بالخير والشر. الحسيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et tout est écrit et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il demandera des comptes à ce abd. S'il a fait du bien, il sera récompensé par du bien. S'il a fait du mal, فالله سبحانه وتعالى يبو لو شاتي كسوا الاعمال كما قال الدقيقه والجليله وهذا تقدم معنا تقدم معنا في ماذا دونك الاسم دونك الحسيب بمعنى العليم سياتي معنا بمعنى الكافي سياتي معنا باذن الله عز وجل اما المعنى الاخير انه المجازي لعباده الى اخره تقدم معنا دونك اسم كالشيخ سعدي لا سيتي تذكرون هاه تفضل في جامع الناس احسنت اسم جامع الناس جامع الناس ونبي من معاني جامع الناس انه يجمع سبحانه وتعالى اعمال العباد الخير والشر هنا سلام شوز قال رحمه الله والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل وهذا كذلك سياتي معنا ان شاء الله اسم الرقيب أي أن الله سبحانه وتعالى il voit tout, il entend tout et العباد ils auront des comptes à rendre قال بالعدل وبالفضل وبمعنى الكافي عبده همومة وغمومة وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه أمور دينه ودنياه هذا المعنى يستفيد منه العبد من فائدة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى حسبك أي كافيك أي il te suffit. Ça, ça te montre quoi, أخي الكريم؟ أن هذا الاسم bien sûr il est lié avec التوكل. C'est pour ça que Allah عز وجل قال ومن يتوكل على الله. Ça, ça te montre que tu ne dois pas avoir peur de la pauvreté. Tu ne dois pas avoir peur des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas avoir peur si tu pratiques ton din, tu vas manquer de quelque chose. Awahad, il peut te retirer ce que tu as fait, min a'mal. Kadhalik, hada tastafid minhu, tu ne dois pas être touché par la critique. Même si on est des êtres humains, là, chaque wahad qui parle mal de toi, qui t'accuse, bidhulm, on est des êtres humains, ça te fait quelque chose, lakin ça s'arrête là. أما أنك تفشل أنك تدزسبير تبير تموايا هذا سمطر ضعف الإيمان ومن يتوكل على الله فهو حسبه ممسي للسل وتأمل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بأعداء ils ont essayé de lui faire du mal ils ont essayé de le brûler إلى آخره qu'est-ce qu'il disait Ibrahim il disait حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى اللي تخدوز بقى الله مسفي فالحسيب أي من تأمل وتدبر هذا الاسم et bien sûr ça demande du ilm c'est pour ça que cette étude elle est très très importante بإذن الله عز وجل dans son cœur il va avoir ce fruit أنه يتوكل على الله qu'est-ce qu'ils peuvent te faire les autres Les êtres humains autres ou les djinns, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire si Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé de te préserver, de te protéger, de te guider ou la shay. Faqat on est fait dunya et Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve. Ahyanan par un ennemi, par un djinn, par quelque chose. Faqat pour te tester. Lianna hadhihi dunya c'est un test. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est l'khabir. Il sait très bien comment ça va se finir. Lakin li taqoum al hujja ala al ibad. Et pour que personne n'ait d'excuses, Et celui qui patiente, il trouvera du khayr. Et ce qui va t'aider à patienter, akhi al-karim, c'est at-ta'ammul wa at-tadabbur. Et كذلك الاجتهاد في هذه المعاني. فالله سبحانه وتعالى c'est le hasib. Place ta confiance en Allah wa istarih. أحيانا نحن on essaie de faire des choses, des asbab, ça nous fatigue plus qu'autre chose. Mets tes efforts fil-ilm. ceux qui critiquent, ceux qui parlent, yat'anun ila akhirih, trukhum. Trukhum. Al-fariq, celui qui n'a rien à faire et qui n'est pas capable d'étudier هذا العلم, il essaye de faire montrer qu'il est intéressé par l'ilm, mais Rubama il va critiquer ses frères injustement, Rubama il va critiquer ahlul ilm injustement. La tubali bihaoula. Kadalik fi dunya. Fi dunya, tu appliques ton din, tu appliques sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il peut y avoir une période tu as du mal à trouver du travail là. Isbir. Allah c'est le hasib. Allah il t'éprouve, faqat il va te donner. Allah subhanahu wa ta'ala il donne à ses ennemis. A'da'uh il leur donne. Tout ce que tu vois, les ni'am dans lesquels les Yahoud, les Nasara, les Mushrikoun, les Malahida, ils vivent. Comme argent, comme nourriture, comme boisson, comme maison, comme enfant. Tout ça c'est minallah. Al-Mahoum c'est des bachar, du'afa, ils n'ont rien du tout. C'est Al-Khaliq, c'est le Karim. C'est Al-Wahhab qui leur a donné subhanahu wa ta'ala. Et pour eux c'est une fitna, c'est une épreuve. Fa'anta, ne perds pas confiance. Abadan. La tafshal. Tu désespères, hatta tu as des mauvaises pensées. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hasib. Wa'alam, et n'oublie jamais anna hadihi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il la donne à ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Anta isbir. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il a qaddar, il a choisi pour toi l'akhira. Et t'éprouver hadihi dunya. À cause de faiblesse, à cause de manque de a'mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour toi un makan rafi' fi il jannah. Et il t'éprouve avec cette dunya qui ne vaut rien. Isbir. Ahyanan, nous faisons des efforts et on pense à des dunya comme si c'était le but, comme si c'était l'objectif. Là, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne, yahmadillah. Et, comme tu as dit avec Ismail Jawad, Ismail Karim et l'akhir, il profite de ce qu'Allah lui a donné, il fait profiter ses frères et il fait du khir. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, Allah il donne à qui il veut. D'autres, Allah il leur donne moins, minal mu'minin. Ils sont touchés par la pauvreté, ila akhir. N'oublie jamais hada. An Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Peut-être qu'il t'aurait donné, ça t'aurait fait beaucoup de mal. Si tu réfléchis comme ça, tu vas voir que tu vas t'éloigner du tam'a. Le tam'a, c'est ceux qui pensent qu'à l'argent, là, ils font tout pour en avoir. Ils tombent dans l'avarice, dans le mensonge, dans le vol. Ça, tu vas t'écarter de hada, si tu penses à hakada. Et tu vas patienter, ça passe très très vite. Rubama, tu as vécu le tiers de ta vie, hein. Peut-être la moitié, peut-être il ne te reste plus rien. Mais l'arrivée, elle est très très proche. Lakin hada, c'est en comprenant hadihi l'asma. Hadihi l'asma, si tu les comprends, bi idnillahi azza wa jal, tu mettras chaque chose à sa place. Ad-dunya sera à sa place. Pour toi, c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose qui dure, c'est une étape. Fali hada, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé hadihi dunya à un voyage. Kun fi dunya ka annaka gharib, ou abir sabil. Est-ce que le voyageur, tu prépares quelque chose? Ahyanan, tu vas en voyage. Rubama, la ville où tu vas t'arrêter, tu vas même pas manger correctement, tu vas même pas dormir, tu sais que t'es de passage. Tu as une chose à faire, Rubama, tu en as pour une, deux heures, très très vite et tu reviens. C'est une étape, on est en voyage. Et la demeure du mu'min, elle attend fil jannah. Comme ils disent. Tu vas manger comme tout le monde, tu vas dormir, ma katab Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas travailler ce que tu peux et prépare l'akhirah. Le jour où ça s'arrête, tu as fini ton voyage et tu profites. Amma, celui qui inverse les choses, et هذه الدنيا, ça devient son objectif. Et il oublie l'akhira, et هذا il est على خطر عظيم. Et parmi les choses qui font oublier l'akhira, c'est d'ignorer ses noms, les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est de ne pas méditer sur le Coran al-Karim. Pensez qu'à dunya, le travail. Ta'alamoun al-Nalbard, ils ont un travail, deux, trois. Wallah, ils ont trois. Ils travaillent le matin, ils travaillent le soir, ils travaillent le week-end. Et ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, hada? Il va tenir ce rythme un an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il meurt. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il a mis de côté, sa famille vont le partager en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ils se partagent. L'olam, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et où fait qabri, il a rien préparé. Il a préparé de dunya. Il avait de l'argent pour faire, il n'en a pas profité. Amma yawm al-qiyama, ça va durer. Bal yawm al-qiyama, al-akhira aqsud dar al-na'im al-janna ou al-nar, c'est éternel. Celui qui prépare une chose qui va durer 20, 30, 50, on va dire maximum 100 ans, et délaisse la demeure qui est éternelle, hala, imma il est majnou, imma il n'a pas la raison, imma il est makhdoul. Makhdoul, ça veut dire ma'oufiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas guidé. Et dans les deux cas, dans les hommes al-majnou, il n'est pas pris en compte. Amma, celui qui a la raison et qui ne prépare pas, bah, il a un grave, grave problème. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah wa al-Hassib. On finit aïkafi, umur dinihi wa dunya. Hatta fil ilm. Fil ilm. On peut donner un exemple, on a donné un exemple fil dunya, on peut donner un exemple fil ilm. L'insan ne désespère pas. Comme a dit Azza wa Jal, Iqra wa rabbuka al-akram. Al-akram, ça ressemble à hadhihi al-asma qu'on a vu, al-jawad, et kadhalik huna al-hasib, ça ressemble. C'est pour ça que les ulama, ils les ont cités ensemble. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne place ta confiance. Fa hatta fil ilm, Iqra wa rabbuka al-akram. Fais des efforts, sois régulier, fais des sacrifices. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, hasbuk. Allah c'est le Hassib, Allah c'est le Karim. Bardonnas ils font des efforts et Allah il leur donne un peu. Bardonnas ils font les mêmes efforts, Allah il leur donne un peu plus. Allah il a une hikmah. L'essentiel fait. Sois sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne. Même si tu es accusé d'être ignorant, même si tu es accusé d'être égaré, même si tu es accusé de ces accusations, bardela, alors que tu es mukhlis, tu es sincère. Et tu places ta confiance en Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah il te suffit. Allah il te donnera l'ilm qu'il a qadr. Subhana. Celui qui dit un jahil alors que tu es un savant, wallah il se fait du mal qu'à lui-même. Kam min an-nas yat'anuna fi al-ulama. Prends l'exemple de l'imam al-muhaddith, al-sheikh al-albani rahmatullah alayh. Kam yat'anuna fi wa ta'anu fi. Il a placé sa confiance en Allah. Hakadha nahsibuhu wa la nuzakki 'ala Allah ahad. Et Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a. On dort chaque livre que tu lis, un sahahahu al-albani, hassanahu al-albani, hatta ahlu al-bida' al-ladina yat'anuna fih, ils sont obligés de revenir à ces ahkam, li annahum c'est des juhal. Allah il l'a élevé. Mahma hawalu, tout ce qu'ils essayent de faire, Allah il a décidé de l'élever, il l'élèvera. Et ça s'arrête là. Enfin, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'élever comme l'imam al-albani, il peut t'élever le plus, il peut t'élever moins. Fais des efforts, faqat. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit. C'est lui. الحكيم سلوك قدرته فهذا قال والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير والشر يحاسبه من خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك وكافي أتباعك فتأمل هذه المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي الله سبحانه وتعالى يتسفي سل حسيب ومن اتبعك من المؤمنين بيان سور هنا المعنى أي والله سبحانه وتعالى كما قال كافيك أي كافي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين ne pas comprendre أن المؤمنين c'est eux qui vont protéger ou préserver le prophète عيسى صلى الله عليه وسلم لا المعنى c'est يا أيها النبي حسبك الله وكذلك الله سبحانه وتعالى حسب من اتبعك من المؤمنين فهذا هو المعنى الصحيح قال فكفاية الله vous connaissez ce mot الكفاية أو واحد مثلا il te donne quelque chose tu lui dis يكفي أي ça suffit ça c'est le sens du mot كافي ça vient de الكفاية فالله سبحانه وتعالى c'est le حسيب c'est le كافي أي si Allah il t'a guidé ça te suffira. Si Allah t'a donné, ça te suffira. Les autres, ils ne peuvent rien te donner illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que nos efforts ils doivent être concentrés pour qu'Allah soit satisfait de nous et il nous donnera. Amma al-bashar, awalan, tu ne peux pas les satisfaire, ils ne seront jamais d'accord. Et thaniyan, même s'ils sont d'accord, ils ne peuvent pas te donner. L'être humain, il ne possède rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani. Amma l'être humain va... فسي ان فقير قال فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقيامه بعبودية الله تعالى exactement comme on a vu dans le nom précédent al-jawad اي si tu veux être préservé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te suffit et que tu ne ressens pas le besoin de chercher ailleurs fais des efforts, travaille ta aqida. Si tu fais les hijra, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guidera, qui te donnera. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala amoura que les hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui font la hijra et il leur a promis de leur donner. فتو تقابل دائما هذا الذكر حسبي الله هو نعم الوكيل إن تتوكل على الله تو فيغا كو لي بورتال سوفغيرون هكذا العلم تو فافونسي في العلم تو فو ابخون تيل شوز هذه النية الطيبة في دي زيفور وهكذا جميع العبادات افيك دو شوز توجور الإخلاص اي la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Et ton objectif, ça doit être de satisfaire Allah azza wa jal. Ihdhar min an-nas, c'est une fitna. C'est une fitna. Bon, les gens, ils font des concessions. Obama des concessions sur leur dîn pour qu'un tel soit satisfait. Une fois qu'il a été satisfait, un jour après, il reproche une deuxième chose. Donc, il fait encore une concession, il a khali hatta il perd son dîn et l'être humain, il n'est pas d'accord. Ihdhar. L'être humain, il ne sera jamais satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hasib, c'est le jawad, c'est le shakur et l'akhri. Mais l'être humain, il a été qualifié de kafour. Dans le Coran. Kafour, aïe, l'insan, c'est pas tout le monde, walillahi alhamdulillah, lakin, kathiran, an l'insan, il a had al-wasf, aïe, annahu yakfur al-ni'ma. Et, fin nisa, c'est akthar. Anna, rubbama, tu fais du khayr, et du jour au lendemain, t'as rien fait. أما الله سبحانه وتعالى الحسيب toutes tes œuvres elles sont notées elles sont enregistrées et tu ne subiras aucune injustice بل كما تقدم معنا كثيرا أن الحسنات seront multipliées par 10 jusqu'à 700 ou أكثر الله سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut et tes péchés seront inscrits un péché ça ne sera pas multiplié et الله سبحانه وتعالى il pardonnera à beaucoup de personnes leurs péchés. Si tu as compris tout cela, bien, ça va t'encourager pour multiplier les efforts fi al-ibada wa fi al-ilm. Qala rahimahullah al-hafid. Hada al-ism thabit. Wa lillahi azza wa jal. Kathir min al-ulama. Ils l'ont cité. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il l'a cité na'am fi al-qawa'id al-mutla. Et d'autres. Cheikh Sa'di huna. Et كثير من العلماء. Il y a deux ism. Il y a al-hafid et il y a al-hafid. Les deux, ils sont sabit lillahi azza wa jal. Donc al-hafid, et vous rajoutez كذلك al-hafid. Et c'est la ma'na, elle est semblable. Sifatu al-hifd. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve. Ça ressemble à al-hasib. Min hayth al-ma'na, on verra que ça va ressembler à al-hasib dans certains points. Amma al-hafid. فقوله عز وجل فالله خير حافظ سورة يوسف والحفيظ قوله تعالى الله حفيظ عليم في الحاشية قال وربك على كل شيء حفيظ فهذه الأسماء ثابتة لله عز وجل قال رحمه الله الحفيظ الذي حفظ ما خلقه حفظ ما خلقه الله سبحانه وتعالى il a créé toute chose c'est le créateur et yahfad khalqa et préserve cette créature qal wa ahata ilmuhu bima awjada ça nous montre hada anna hadhihi al awsaf elles sont liées au ilm c'est comme le hasib si Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hasib et min ma'ani al hasib anna toutes les œuvres de tous les êtres humains elles sont notées enregistrées et l'être humain rendra des comptes ça montre que Allah c'est l'alim anna celui qui a قدر tout cela c'est qu'il a du ilm bien sûr وهكذا هنا قال وحفظ اولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات donc tu as plusieurs معاني حفظ الخلق وحفظ الاولياء on va voir que الحفظ il est à la نوعين حفظ pour tout le monde et Allah il préserve toutes ses créatures et حفظ que pour les croyants que pour ses alliés اولياء الله سبحانه وتعالى حفظ عام وحفظ خاص قال ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءهم هذا الاسم سبغصم له اسم الحسيب وكذلك اسم جامع الناس قال والحفيظ يتضمن معنيين الحفيظ يتضمن معنيين أي سنو il englobe deux sens أي صفة الحفظ tu vas comprendre deux choses أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ فهذا تقدم معنا كثيرا beaucoup de, ou plusieurs noms, comme Al-Hassib et Jami' al-Nas, en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a qaddar, il a tout écrit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال هنا احصى جميع اعمال العباد, toutes les œuvres de tous les êtres humains, elles sont notées, enregistrées. قال ووكل بالعباد ملائكه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا المعنى من حفظه يقتضي احاطه علم الله باحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ. Donc هذا المعنى il est lié avec le nom العليم. Al-Hafiz, huna, c'est bima'na, an Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay. Donc, tous les a'mal des êtres humains, mahfouza, maktouba. C'est lié au qadar, et min maratib le qadar, al-ilm. La science. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Wa anta tastafid une fa'ida azima fi hada, an tu as été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera chaque serviteur. Et nous, on fait partie de ces serviteurs, donc on sera jugé, donc on fait attention à nos a'mal. Quand tu parles, fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala, hafidun, hafid, raqibun, alim. Vous avez remarqué que بعض الناس ils vivent comme les hayawanat. Ka'annahum, ils n'auront pas de compte à rendre. Ka'annahum, ils mourront jamais. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Wallah, ils sont devenus ashad min al hayawanat. لماذا؟ لأن هذه المعاني فالكفار كفروا بها وبعض المسلمين يسون طنبي في غفلة عظيمة كبيرة كأنهم يزون plus de compte à rendre. فلهذا ils s'autorisent des choses et ils font des choses et devant tout le monde ils ont même plus الحياة لا من الله ولا من العباد. Et quand tu lui parles, بعضهم ils le montrent clairement, ils ont des doutes et بعضهم ils le disent complètement كأنهم خلاص, ils ne vont plus être ressuscités, ils ne vont plus être interrogés. عياذا بالله. أما pour le mu'min, الذي يخاف من الله, et il se répète, il se rappelle plutôt, مثل هذه المعاني, lâche que ça va changer sa vie. Quand il va parler, il va faire attention. Tout est enregistré. Est-ce que cette kalima, elle est pour moi, elle est contre moi? Quand il va faire une chose, كذلك, est-ce que ce amal, il est pour ou contre moi? أما البعض, ils sont motivés par l'argent, فقط. Où qu'il y a de l'argent et un profit, ils font. Même si c'est haram, même si c'est des kabir, même si c'est du kufr, iyadun billah al-ba. Même si c'est de la mécréance, ils vont faire. Les malades, il y en a, il y a de l'argent. Et une chose où qu'il n'y a pas d'argent, ils vont la délaisser. Même si c'est min a'zam al-ibadat. Mathalan as-salat, as-siyam, ila akhri. Ils ne font pas ces choses, il y en a, il n'y a pas de profit. Hum, ils vivent que pour le profit. Haoula, iyadun billah. Ils ont perdu leur dîn et الآخرة يسرون دسوا يغتران لكن يرى أكون جلدة. قال وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. On doit se préparer à هذا. Donc أنت الآن tu es في دار العمل تعمل. الله t'a créé, t'a facilité, t'a donné, tu manges, tu bois. Tu respires, toutes ces ni'am, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ton objectif, c'est d'être récompensé. Un jour, tu seras jugé pour voir est-ce que tu as réussi, amla. C'est très simple. Cette vie, c'est comme un examen. ثُمَّ tu seras jugé, est-ce que tu as réussi, amla. ثُمَّ la récompense. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Celui qui réfléchit à ça, il a cet objectif. Il va travailler pour cela. Mais celui qui n'a pas cet objectif, il va vivre. Pourquoi? Pour manger, pour dormir, pour prendre du bon temps. Un jour, il est surpris par la mort. Il se retrouve hufratin, mudlima, seul. Et ça commence. Il voit des choses qu'il n'avait jamais vues. Il entend des choses qu'il ne savait même pas. Il a tout mis de côté, tout oublié, pensé qu'à tout nier, il a rejeté de dîn. Et là, il sera déçu. Al-ma'na thani min ma'nayi ma'nayi bi fath al-ya al-oula al-hafid annahu ta'ala al-hafid li'ibadihi min jami' ma yakrahoun wa hifzuhu li khalqihi naw'an 'am wa khas. Donc, le hifz qu'on avait cité au départ, les deux catégories, c'est pour la deuxième ma'na. Ama la première ma'na, fawadih, elle englobe tout le monde sera jugé, interrogé, et a'mal al-jami' mahfoud. Les œuvres de tous les êtres humains sont enregistrées et notées. هذا المعنى الثاني سبي معنى الحفظ أي le fait de préserver. فالله سبحانه وتعالى préserve ses عباد. لكن حفظه عليه عز وجل إلى على نوعين. قال عام وخاص حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته وإلى مصالحه بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته قال كالهداية إلى المأكل والمشرب والمنكح أي الله سبحانه وتعالى يبخزف كل من en les guidant à ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide tout le monde et il préserve tout le monde. Chacun, il mange, il boit, il se marie, il a un foyer. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun, il donne. Et tout est décrété, tout est écrit, bien sûr. Hada, c'est le ma'na l'am. قال والسعي في أسباب ذلك وكدفعه عنه مصناف المكاره والمضار. وهذا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع خلقه en repoussant certaines choses mauvaises. مثلا حتى الكافر, il n'est pas touché par certaines maladies, il n'est pas touché par, par des choses qu'il n'aime pas. Tout ça, c'est min hifz Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le hifz al-am. Tout le monde en profite. Ou le mu'min, la différence entre le mu'min et le kafir, via hadha al-bab, anna al-mu'min yashkur. C'est pour ça que le mu'min, si tu prends l'exemple de al-ma'kal, al-ma'kal, c'est la nourriture. Ça, c'est min hifz Allah subhanahu wa ta'ala, li hadha al-abd. Il le préserve pour qu'il puisse vivre. Enfin, il lui a qadr, il lui a facilité cette nourriture. Al-mu'min, quand il mange, il dit bismillah, et à la fin, il dit alhamdulillah. الكافر يبخفض هذه النعمة هذا الحفظ et il n'est pas reconnaissant. C'est ça la différence. وإلا les deux catégories يبخفض هذه النعمة. قال وهذا يشترك فيه البر والفاجر. البر أي صاحب البر, celui qui fait du bien. والفاجر بل الحيوانات. فهذا s'englobe المسلمون والكافرون et même les animaux. Les animaux, qui c'est qui les a حفظ, qui c'est qui les a, quand on dit guider, huna, c'est bien معنى facilité. La guider, elle est de plusieurs catégories. Et parmi un sens, parmi beaucoup de sens de la guider, Allah, il leur facilite de quoi manger. Les animaux, Allah, c'est lui qui les a guidés. Un tel, il va dans tel endroit, un tel, il se déplace pour manger. Tout ça, c'est Allah. Et cette nourriture, tahfad, hada al-haywan. Donc, même les animaux, ils en profitent. Qala, wa ghayruha. فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزول حتى السماوات والأرض. C'est des créatures, les cieux et la terre. Allah سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض أن تزول. قال ويحفظ الخلائق بنعمه وقد وكل بالآدم حفظة من الملائكة الكرام ويحفظونه من أمر الله. نعم, يحفظونه من أمر الله كما في سورة الرعد. Aïe, al-malaïka, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges et ces anges, ils protègent les êtres humains. قال أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بالصدد أن يضره لولا حفظ الله. Et ça, c'est une ni'ma. Qu'on doit faire des efforts pour être reconnaissant. Adna Allah subhanahu wa ta'ala, wakkala ba'd al-malaïka qui inscrivent toutes nos œuvres. Ma balouk, si toi, tu aurais dû écrire tes œuvres, comment t'aurais fait? Chaque soir, tu dois rentrer, tu dois écrire toutes tes œuvres. Tout ce que tu as fait toute la journée. Tu vas faire un jour, deux jours, dix jours. Il y a de la meshaqqa. Allah subhanahu wa ta'ala, min rahmatihi wa min hifzih, annahu wakkala wa'ad al-malaika, il note tout. Toi, tu n'as rien à faire. Fais des bonnes œuvres, faqat. Et les anges, ils notent. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, wakkala wa'ad al-malaika, yihfadunak. Yihfadunak. Min amrillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, kadhalik, c'est une ni'ma. Combien de choses, Robama, ils allaient te toucher? Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr anna hada al-malaki, il te préserve bi-idnillahi azza wa jal. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Je recherchais l'aya min surat Saba pour le dalil. Lianna ahyanan Cheikh Sa'di, rahimallah, vous avez remarqué qu'il cite des phrases, c'est des versets du Coran. Al-haqiqa, le wat-tab'a, ils auraient mis en gras avec la référence pour savoir que c'est un verset tayyib. لكن Rome, ils mettent en tant que verset, et la police du verset, la akhirah, et le mettent en gras quand ils disent قال الله تعالى. وإلا أحيانا هو يسيت الله أعلم est-ce qu'ils voulaient citer le verset ou laquelle le mettre sous forme de verset ou mettre une référence comme quoi c'est un verset فطيب. قال رحمه الله النوع الثاني أي tout ce qu'on vient de voir c'est الحفظ العام. الحفظ العام ça englobe الكفار والمسلمون والحيوانات. Allah il les préserve. الثاني قال حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم. سوى ما تقدم أي en plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il les a guidés pour qu'ils mangent, pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils ont un toit. Allah, il leur a donné la bonne santé. Tout ça, c'est min hifdhihi al-am. En plus de cela, il y a un hifdh khas. Et Allah, il va préserver les croyants avec une chose. Elle est valable que pour les croyants, que pour ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. قال بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه. إيقانهم أي يقينهم. Ça vient du mot يقين. من الشبه والفتن والشهوات. Ça montre أن celui qui craint Allah et qui fait des efforts et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît ses sens, les sens des noms d'Allah azzawajal, ça va l'aider. Allah subhanahu wa ta'ala, il le préservera son cœur. Pourquoi Bahnanas, tu les vois, ils s'égarent, yadun billah, c'était des musulmans, ça devient des kuffars. لأنهم, ils ont fait des choses, Allah ne les a pas préservés de leur faute. Et pourquoi d'autres, mashallah, ils sont préservés, même les fitna passe, ils sont préservés. ثبات على التوحيد على الإيمان على السنة على العلم. Tout ça c'est min hifz Allah. Et ça t'estafide une faïda azima. On a demandé. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ni yahfadak fi sujoudik fi du'aik, ne pense pas que au hifz de al-jism. On revient comme on l'avait expliqué dans la beauté. Vu qu'on vient à une époque, c'est beaucoup sur l'apparence, beaucoup sur la santé, beaucoup sur ces choses. Je trouve ba'dannas, ils font des efforts fi du'a, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, et ils font مثل هذا الدعاء الجميل اللهم احفظني او احفظ اولادي. Et قصدهم الحفظ, c'est que la santé, qu'ils ne soient pas touchés par un malheur, qu'ils ne fassent pas d'accident, qu'ils ne n'attrapent pas de maladie. اعظم من ذلك الحفظ من الوقوع في الكفر والضلال والشبهات والشهوات والفتن والبدع. Ça c'est une musiba azima, la maladie. Des prophètes, ils sont tombés malades. La maladie, ce n'est pas une mauvaise chose en soi pour celui qui médite. La maladie, ça peut être un bien énorme pour l'insan. Mais on demande le salam, on n'a pas le droit de demander d'être malade. Mais si on est touché, c'est une épreuve, et Rabbama, c'est un bien pour toi. Un mal égarement, la mécréance, c'est que du mal. Quand on dit Allahumma ihfadni, ou ihfad awladi, on ne doit pas oublier مثل هذه المعاني أي حفظ الدين préserver notre الدين. قال فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. Même si un حاقد من الحاقدين مجرم من المجرمين, un شيطان من الشياطين, il veut que tu t'égares, il veut que tu perdes ton ilm, il veut que qu'il t'arrive une chose qui te fasse de mal dans ton din à cause de sa jalousie ou son ignorance ou autre, si Allah te préserve, fait, tu crains rien. قال ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. Et ça c'est une bouchra pour le mu'min qui est prouvé par un mess ou par un shaitan qui lui fait du mal ou par un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-hafid, c'est al-hafid. توكل على الله, patient, demande à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il te préservera. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. إن الله يدافع هنا عام, ça englobe tout. يدافع عن الذين آمنوا, que ce soit par rapport à leur dîn ou par rapport à la dunya. Allah il préserve les mu'minin. وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. لكن il faut faire des efforts. Et c'est ça le fruit, الثمرة de هذا الاسم, أنك si tu veux profiter de هذا الحفظ, Allah c'est الحافظ, c'est الحفظ, et celui qui préserve, Si tu veux profiter de hada, fais des efforts. Plus l'insan il fait des efforts fil ilm ou l'iman fi al-amal, plus il fait des efforts fi hadhihi al-umur, plus Allah subhanahu wa ta'ala il le protège. لماذا لأن الله عز وجل il est juste. Celui qui fait beaucoup d'efforts, il sera préservé plus que celui qui en fait moins. والدليل على هذا il a cité قال وفي الحديث احفظ الله يحفظك يحفظك. Ça montre أن من صفة الله عز وجل أنه يحفظ. Et من أسمائه الحافظ الحفيظ. هنا في هذا الحديث تقدم معنا هذا كثيرا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الإمام النووي لا ست في الأربعين وإلا الحديث كما قال في الحاشية في مسند الإمام أحمد في الحديث الله سبحانه وتعالى أو البخفة صلى الله عليه وسلم لا ست لكوز احفظ الله احفظ الله تشوفك الله سبحانه وتعالى يحفظك احفظ الله. بعض الناس في الحقيقة يسفون beaucoup de mal avec leurs propres mains, thumma ils sont étonnés qu'ils sont touchés par une chose, ils n'ont pas été préservés. بعض الناس عياذا بالله ils vont voir des sorciers, thumma ils tombent malades ou leurs enfants ils tombent malades et ils sont plus préservés. Et الشياطين يتمكنون من قلوبهم, ils leur font beaucoup de mal, thumma ils sont étonnés. Et المصيبه c'est que pour se guérir ils retournent voir des sorciers, thumma ils se plaignent. La famille elle est mushattata, هذا il est مجنون, هذا il est en prison, هذا il est malade, هذا il est هذا عياذا بالله il a oublié son din, thumma il s'étonne. Là, si la famille elle est عياذا بالله elle est basée sur sihr wal kufr wal shirk wal khurafat, il y a pas d'ilm, il y a pas de Coran, il y a des ma'asi, des péchés toute la journée, faut pas s'étonner que l'insan il est touché par des épreuves. Bel huna c'est par le châtiment fi dunya عياذا بالله. بعض الناس ils ont tout perdu à cause de riba. احفظ الله يحفظك. Et ils n'ont pas appliqué hada. Bel, ils ont vu grand et ils ont voulu acheter des choses dont ils n'avaient pas les moyens et ils sont rentrés faire riba. La famille, certaines familles, elles ont été détruites à cause de riba. Endettement, thumma iyadam billah, des problèmes entre eux. Hatta ils perdent tout. Ils perdent la maison, ils perdent tout. Iyadam billah. احفظ الله يحفظك. Ça veut dire quoi? احفظ الله. قال أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. تفسير أو شرح جميل مختصر. احفظ أوامره بالامتثال لأن الله عز وجل لا besoin de personne. احفظ الله, الله سبحانه وتعالى il a pas besoin de nous. Ça veut dire quoi? احفظ الله أي احفظ دين الله, préserve le دين d'Allah. C'est pour toi. أما الله عز وجل لا besoin de personne. Comment tu vas préserver دين الله? في الحقيقة c'est pour toi, préserve ton دين. أما الله سبحانه وتعالى il a révélé هذا الدين, il sera préservé jusqu'à يوم القيامة. احفظ أوامره أي préserve les obligations. Fais des efforts. Fais salat à l'heure. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Sors zakat de l'argent. T'as de l'argent. Fais le hajj. Fais le siyam. Aide les pauvres. Fais des efforts. Fais l'ilm. Un bon comportement. Et tu verras. Tu verras. Tu auras une vie différente de ceux qui font l'inverse. Fali hadha qal qal awamirahu bil imtithal wa nawahiyahu bil ijtinab. Kadhalik, écarte-toi de riba. Écarte-toi des sorciers. Écarte-toi du shirk. Écarte-toi de zina. Écarte-toi du mensonge, écarte-toi de la corruption. Et tu verras. Même si tu as peu, tu auras une vie, walillahi alhamd, tayyib. Amma, en délaissant din, même si tu as beaucoup, sans hifdullah subhanahu wa ta'ala, tu n'arriveras à rien. Même il y en a, ils ont des millions, des milliards. Et iyadam billah, ils ont une vie misérable. Limada. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yahfad man yahfad din. Qala, wa hududahu bi'adam ta'addiha. نعم حدود الله سبحانه وتعالى يا دي ريغل دو فير سا نو با فير سا tu dois, t'as le droit d'aller dans cet endroit, tu n'as pas le droit d'aller dans cet endroit, tu as le droit de manger cette chose, tu n'as pas le droit de manger cette chose, وهكذا حدود الله سبحانه وتعالى. Celui qui يحفظ tout ça باذن الله يسرع على خير. قال يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك. بعض الناس pourquoi ils ont des problèmes في انفسهم. مثلا بعض الناس ils ont un مرض عياذا بالله, ils sont malades. Il m'a possédé, ils ont une maladie, ils voient certaines choses, ou ils entendent certaines choses, ou ils se sentent attaqués. Mouhim, iyadam billah, marad nafsi. Et là, ils souffrent. Les malades, les anaumis doivent faire des efforts. Écarte-toi des wasawis, akhi. Place ta confiance en Allah. Wa'ad al-nas, shaytan, yuwaswis lahum, quelque chose d'inutile, de futile. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala kerimun, et tu lui dis, Allah, il est rahim, pourquoi tu te fais du mal? Il continue à obéir à son shaytan. Et il se fait beaucoup de mal. En voir de l'âge, ils sont éprouvés, vidinihim. Même une fitna, ils tombent dedans. Il m'a des bida'i, il m'a des khurafat, il m'a yadin billa shirk ou kufr. Les malades, ils ont un va'af fi tatbiq din. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. C'est lui qui t'a guidé. Et si l'insan s'égare, c'est que c'est l'insan qui a été la cause. Fi malik, on a donné l'exemple avec l'usure, avec le riba. Wa fi waladik, on a donné l'exemple avec les sorciers. Ihfadillah, ihfadka. Wa'adna, ils s'étonnent que leurs enfants, ils fument, matalan. Ça arrive beaucoup. L'enfant, du jour au lendemain, il rentre à la maison, les parents, ils sentent, ils trouvent un paquet de cigarettes. Ma'rouf. Comment un père ou une mère, ils découvrent que leurs enfants, ils fument. Comment ils sont étonnés? Bel kathirun min al-aba wal-umat, ils mettent la faute sur les autres. C'est de ta faute. Ton enfant, il serait chez toi avec une éducation islamique et tu lui montres les bonnes choses et tu fais attention à lui. Amma, tu le jettes dans une école au milieu de foussaq et de fumeurs. Tu n'as pas hafad de l'enfant. Comment tu veux que l'enfant il soit en mahfoud? Il va tomber dans la cigarette, il va tomber dans beaucoup de choses. Si ça s'arrête qu'à la cigarette, tu peux yadam billah, trouver d'autres choses encore pires. وهكذا beaucoup d'exemples. قال وفي جميع ما آتاك الله من فضله. نعم. فهذا الاسم اسم جميل الحفيظ. استفدنا كذلك un autre اسم qui a le même معنى الحافظ. Les deux sont cités في القرآن avec هذه المعاني الجميلة et التعبد بهذه الأسماء. بإذن الله عز وجل سواضح. On a cité plusieurs exemples. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع.